ta tenue là. C'est un instant, instant. Les chaussons, on les met tout de suite. Oui. Ah ouais. Oui, on va passer par là. Ah d'accord. Nous sommes au centre d'abattage et de transformation du Couserans, un abattoir sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Un statut qui donne de l'importance à la communauté de communes et aux éleveurs pour le faire vivre. Oui, bonjour, eh bien, moi c'est Jean-Jacques Méric, je suis maire de Comont et vice-président de la communauté de communes et donc et président de la CIQESA, centre de transformation et d'abattage du Couserans. Voilà. Je suis Laetitia, la directrice de l'abattoir du Couserans. Donc notre organisation, l'abattoir du Couserans, c'est un abattoir multi-espèces qui a une vocation à produire des carcasses sous plusieurs signes officiels de qualité. On parle de la viande bovine française, de l'agrément biologique et du label rouge. Pour le fonctionnement, donc chaque opérateur a une tâche bien précise à réaliser. On va aller le voir sur la chaîne comment ça fonctionne. On doit respecter les bonnes pratiques d'hygiène, sécurité, environnement. On a toujours un contrôleur vétérinaire avec nous. Donc il va contrôler les animaux vivants et il va aller contrôler les carcasses pour l'apte à la consommation humaine. Il a été créé cet abattoir en 1995. Et les premiers ouvriers commencent à travailler. C'est la société Tarobe qui travaille. En 2001, la société Tarobe fait faillite. Du coup, c'est une reprise intercommunalité. Donc, il y avait une subvention d'équilibre qui était votée tous les ans. Et donc, à un moment donné, le préfet a mis le haut là-dessus en disant que c'était un outil soumis à la concurrence et qu'il fallait que ça s'équilibre de lui-même. Et donc, les gens se sont mis autour de la table et on a dit il faut faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti. C'est ce modèle qui nous a... Parce que si vous voulez, sur le bâtiment appartient à la communauté de communes, c'est-à-dire que sur la SIC, la communauté de communes a gardé tout ce qui est investissement. Et le fonctionnement, c'est la SIC qui supporte le fonctionnement. Voilà. C'est pour ça que des investissements, comme la station de prêtre-traitement, le gros outillage, la remise aux normes là, du gaz et tout ça, c'est la communauté de communes qui le supporte. Quoi. Mais des projets, il y en a tout le temps des projets, mais les projets, il faut les payer. C'est bien beau. Sinon, des idées, on en a, mais il manque le principal. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la salle de découpe associée à l'abattoir et à le faire fonctionner. Mais bon, le problème, c'est que on a commencé à sauver l'abattoir. Et petit, il ne faut pas oublier quand même qu'on a été... Monsieur Ferré, moi et oui, on a été quand même pendant moi ça fait 9 ans que j'ai suivi tout 9 ans que j'y suis. On a été bénévole, on n'a pas pris un centime, on a fait fonctionner le laboratoire bénévolement pendant 9 ans. Hein. On n'a pas pris un centime, ça je tiens à le dire tout le temps. Sinon si on s'était fait un salaire ou ne serait-ce que quelque chose, on ne tenait pas. Donc c'est pour vous dire si, jusqu'où il faut aller. Après on vous l'explique comme ça, mais il faut pas croire que c'est compliqué quand même. Faire vivre un abattoir. Il y a beaucoup de frais de fonctionnement. Vous avez les services vétérinaires où c'est jamais aux normes. Il y a tout le temps une façon dès qu'il passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour avoir un équilibre financier, c'est très dur. Un abattoir, attention, c'est comme une casserole de lait sur le feu. Il faut y être. Il y a une prochaine. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.